Chapitre 41e. Il avait failli tomber, mais se redressant aussitôt, il s'élança à son tour sur l'assassin avant que celui-ci eût pu frapper un second coup. Comme le coutelas laissa baisser de nouveau, ce fut le bras qui tenait ce coutelas que le colonel saisit à deux mains de manière à le maintenir levé. Heureusement pour lui, le colonel était vigoureux et il s'était toujours maintenu en condition par l'usage journalier de l'escrime et des autres exercices du corps. Mais la situation n'était pas égale. Tandis que le colonel n'avait que sa force et son adresse pour se défendre, le brigand qui l'avait traîtreusement assailli avait à la main une arme terrible, bonne pour l'attaque comme pour la défense. De plus, le colonel était blessé, et il sentait son sang couler le long de la poitrine. Quelle était la gravité de cette blessure? Toute la question, question de vie ou de mort, était là. Lui laisserait-elle la force nécessaire pour lutter? Pendant la guerre, il avait reçu un formidable coup de baïonnette, et sur le moment même, il s'en était à peine aperçu. Seulement après quelques minutes, il était tombé de cheval, évanoui. Le coup de couteau valait-il le coup de baïonnette, et la même défaillance allait-elle se produire? Dans ce cas, il était un homme mort, et son ennemi le tuerait tout à son aise lorsqu'il serait tombé. Ces idées traversèrent son esprit avec la rapidité de l'éclair. Mais loin de l'abattre, elles lui donnèrent la résolution de lutter jusqu'au bout, tant qu'il pourrait. Il était de ceux qui ne se découragent jamais et qui ne s'abandonnent pas. En tout et partout, le salut à ceux qui se défendent et veulent quand même se sauver. Et il fallait donc lutter. Comme l'assassin, lui aussi avait eu son moment de surprise en se voyant le bras serré avec une vigueur extraordinaire par celui qu'il croyait avoir frappé à mort, le colonel profita de cette surprise pour le pousser fortement et le faire tourner à demi sur lui-même. Alors, abaissant fortement le bras armé du couteau et desserrant une de ses mains, il saisit le brigand à bras-le-corps par derrière et l'étreignit contre lui. « Tonnerre ! » s'écria l'homme, « tu vas me le payer !» Et il voulut se dégager de cette étreinte, mais bien qu'il fût lui aussi vigoureux, il put à peine remuer. Il était pris comme dans un étau, et malgré ses secousses, il ne put pas se débarrasser. « Si tu remues ainsi, dit le colonel, tu vas te piquer !» Cette raillerie exaspéra l'assassin. « C'est moi qui vais te piquer, je vais te saigner comme un veau !» Et faisant un nouvel effort, il dégagea un de ses bras et saisit le colonel par-dessus le cou. Mais celui-ci, pendant ce temps, était parvenu à joindre ses deux mains par-dessus celles qui tenaient le coutelas. Encore un effort, et il le saisissait par le manche. Sans doute, son adversaire devina sa manœuvre, car ouvrant la main, il laissa glisser le coutelas sur la route. « Tu ne me saigneras pas, » dit le colonel, « tout à l'heure. Maintenant, à nous deux. » Et changeant de tactique, le colonel ne chercha plus qu'à renverser son ennemi sous lui, mais en l'entraînant assez loin pour qu'en tombant, il ne trouva pas le couteau à portée de sa main. Pendant quelques secondes, ils se tinrent enlacés, se serrant, se pressant, s'arc-boutant l'un contre l'autre comme deux lutteurs dans l'arène. Mais à la fin, l'adresse l'emporta. Ils roulèrent tous deux à terre, l'assassin était dessous, le colonel était dessus. Qu'il put le maintenir un moment ainsi, et il avait une chance pour qu'un secours lui arrivât. Quelqu'un passerait bien sur cette route, sans doute. Il leva les yeux rapidement, mais il ne vit rien. Quant à écouter, c'était impossible, car tous deux ahannaient en soufflant fortement. L'homme, ayant touché la terre, voulait se relever, mais le colonel appuyé sur lui le tenait bien, malgré ses coups de rein. « Si tu bouges, je te casse la tête à coups de poing. »« Je n'ai pas besoin de bouger, c'est toi qui vas me lâcher tout à l'heure. Compte là-dessus. Tu es saigné, mon bonhomme, tu pâlis déjà. » Le colonel, dans l'emportement de la lutte, avait oublié sa blessure. Ce mot lui rappela tout le danger de sa position. La défaillance et ses mains s'ouvraient d'elles-mêmes. Pendant combien de temps allait-il pouvoir maintenir son adversaire sous lui? Il fallait encore changer de méthode. Brusquement, il lança dans les yeux de son ennemi trois ou quatre coups de poing, rudement assénés par des mains habituées à la boxe. Puis se relevant, avant que celui-ci fût revenu dans son attaque, il s'élança d'un bond sur le coutelas. La situation s'était retournée, c'était lui maintenant qui avait le coutelas à la main. L'assassin, un moment étourdi, s'était relevé, et n'ayant pas vu le colonel ramasser le couteau, tout cela s'était fait rapidement, il s'avançait les poings fermés. Sans reculer, le colonel lui présenta la pointe du coutelas. « Eh bien, qui va saigner l'autre, hein ?» À cette vue, l'homme sauta de trois ou quatre pas en arrière. « Tonnerre ! » s'écria-t-il. « C'est donc contre le diable qu'on m'a envoyé ?» « Qui t'a envoyé? Si tu me le dis, je te laisse aller. »« Pour me faire prendre demain. Non seulement je ne te ferai pas prendre, mais je te donnerai 1000 francs. »« Ça se dit, ces choses-là. Et ça se fait. »« Quand on a peur, oui. Mais quand on est sauvé, je te les donne tout de suite. »« Ah, tu as 1000 francs sur toi. Le colonel crut qu'il avait touché la corde de ce bandit, mais tout à coup celui-ci partit d'un éclat de rire. Eh bien, je vais te les prendre, tes 1000 francs. Tu n'auras pas le chagrin de me les donner. Viens les chercher. Tout à l'heure, ça ne presse pas. Le colonel comprit ce que ce mot signifiait. Le brigand attendait que la blessure eût produit son effet et que le coutelas tombât tout seul de la main qui le tenait. La pâleur, en augmentant, avait sans doute trahi son état de faiblesse, qui allait rapidement s'accroissant. Les efforts de la lutte l'avaient épuisé. Le sang l'inondait et coulait jusqu'à terre. Le cœur lui manquait et la vue se brouillait. Personne ne viendrait donc à son secours. C'était l'heure cependant où Horace devait passer sur cette route, en voiture, pour se rendre à Chalençon. Mais il eut beau regarder, il ne vit pas de voiture paraître sur cette route déserte. Il eut beau écouter, il n'entendit pas d'autre bruit que le chant des oiseaux et la respiration haletante de son ennemi. Encore quelques minutes, quelques secondes peut-être, et c'en était fait. Ce misérable pourrait l'achever tout à son aise. Cette idée lui rendit un peu de force. Alors il ferma les yeux et parut chanceler. « Ah ah !» dit le brigand. « Ça saigne, ça saigne !» Le colonel trébucha. « Ça va bien !» Le colonel tomba sur un genou. « À la fin, ça y est !» s'écria l'assassin avec un juron de triomphe. Il s'élança pour saisir le couteau qui semblait prêt à tomber de la main inerte du blessé. Mais alors le colonel serra les doigts, puis, ayant ramené son bras contre lui, il le lança fortement en avant, et par un coup terrible donné de bas en haut, il plongea le coutelas tout entier dans le ventre de son adversaire. L'impulsion avait été si violente qu'elle l'entraîna et qu'il tomba tout de son long sur la route. Mais en même temps, l'assassin tombait aussi et son corps s'affaissait sur les bras du colonel. Le colonel avait perdu connaissance. Combien de temps resta-t-il privé de sentiments? C'est ce qu'il lui fut impossible d'apprécier lorsqu'il revint à lui. Il était extrêmement faible. Il ressentait à l'épaule et à la poitrine une terrible douleur. Son bras, toujours pris sous le corps du brigand, était paralysé. Instinctivement, il voulut le dégager, mais il ne put y parvenir. Comment se défendre? Mais heureusement pour lui, il ne s'agissait plus de se défendre, car si son adversaire n'était pas mort, il était en tout cas incapable de remuer. Il restait étendu sur la route, la face dans la poussière, inerte, sans mouvement. À ce moment, le colonel crut entendre un bruit de roues et le trot d'un cheval. Il écouta, il ne se trompait pas. Une voiture arrivait du côté de Saint-Germain. Elle approchait. Il leva un peu la tête. C'était Horace. « À moi !» dit-il faiblement. Mais cet appel était inutile. La voiture s'était arrêtée devant les deux corps qui barraient la route et Horace avait sauté à terre. En entendant la voix de son maître, il poussa une exclamation plaintive. Mais sans se perdre dans des gémissements superflus, il courut à lui. « Blessé, blessé ! À la poitrine, enlève ce corps qui m'écrase !» Le cocher était descendu de son siège, il aida Horace à soulever le corps de l'assassin. « Mort !» dit le cocher, « en voilà de l'ouvrage !» Mais Horace ne s'arrêta pas à cette constatation. Agenouillé près de son maître, il avait fendu les vêtements de celui-ci avec un couteau et il cherchait la blessure. Elle n'était que trop facile à trouver. Elle commençait à l'épaule et descendait jusqu'à la dernière côte. Par bonheur, un portefeuille avait empêché la pointe du coutelas d'atteindre le cœur et la lame avait seulement fait une longue entaille sur la poitrine. Horace avait pansé plus d'une blessure sur les champs de bataille. En quelques minutes, il lui posait un bandage, fait avec des chemises et des serviettes, sur la poitrine de son maître. Puis, aidé du cocher, il avait placé le colonel à demi allongé dans la voiture et l'on s'était mis en route pour le château de Chalençon, qui n'était qu'à une assez courte distance. Quand la voiture arriva devant le château, tout le monde, la marquise, Ida, Carmelita et tous les invités étaient sur le perron, car on avait vu que cette voiture apportait un blessé. « Mon colonel, dit Horace, arrêté et blessé dans la forêt !» Vivement, la marquise s'avança. « Vous, colonel ? » s'écria-t-elle. Mais il ne répondit pas. De nouveau, il s'était évanoui. « Vite ! » s'écria la marquise. Qu'on le porte dans la chambre bleue, près de la mienne. Ainsi s'achève le colonel Chamberlain, tome 1er de L'Auberge du Monde par Hector Malot.